FrenchPod.com. Pourquoi tu arroses le sapin ? C'est une plante. Mais c'est un sapin de Noël. Et alors ? Mais c'est un sapin en plastique.